You'll hear more about nationalities and languages in Unit 6 and elsewhere in the course. But for now, listen to two examples of nationality and language in conjunction with the verbs comprendre, to understand, and être, to be. Je suis français. I am French. Je ne suis pas anglais. I am not English. Je comprends le français. I understand French. Je ne comprends pas l'anglais. I don't understand English. Vous êtes français. Vous n'êtes pas anglais. Vous comprenez le français. Vous ne comprenez pas l'anglais. Il est français. Il n'est pas anglais. Il comprend le français. Il ne comprend pas l'anglais.